La compagnie des auteurs avec l'appli Audible. Écoutez des livres audio sur votre smartphone. Des coachings ou podcasts, rendez-vous sur audible.fr. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui mardi, deuxième jour de notre série consacrée à l'écrivain Julien Gracq, dans une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Millet, Laurent Travaglichanal, avec aujourd'hui à la technique Emmanuel Morse-Duncan. La biographie de Julien Gracq présente peu d'aspérité. Il est né à Saint-Florent-le-Vieil en juillet 1910 et mort dans ce même bourg du Maine-et-Loire 97 ans plus tard, non sans y avoir reçu de nombreux admirateurs et des amoureux de son œuvre. Cette œuvre, ce sont 15 livres dont plusieurs ont fait date, comme Le Rivage des Sirtes, prix Goncourt refusé de 1951. Son œuvre, c'est également le pamphlet La littérature à l'estomac, publié un an plus tôt, nous en parlions hier, avec Philippe Le Guillou dans une émission à retrouver évidemment en podcast. Et puis, cela faisait 10 ans, en décembre dernier, que Gracq avait disparu, et c'est ce qui a conduit Régis Debray à organiser avec Jean-Yves Chevalier une table ronde hommage au lycée Henri IV. Nous en avons fait une émission que vous pourrez entendre jeudi avec des invités comme Eddy Cadour, Emmanuel Ruben qui dirige la maison Julien Gracq ou encore Jérôme Villeminoz qui nous a parlé des manuscrits de l'écrivain déposés à la Bibliothèque Nationale. Et puis demain, nous parlerons du sentiment géographique chez Gracq avec l'intervention de Jean-Louis Tissier, également enregistré lors de cette même table ronde. Et puis en direct, le spécialiste de littérature et d'art visuel, Bernard Vouilloux, qui nous parlera de Gracq et les images. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour tenter d'éclairer la littérature de Julien Gracq, je reçois Michel Murat, spécialiste du surréalisme, mais également de la poésie de Rimbaud et évidemment de l'œuvre de Gracq. Bonjour à vous, Michel Murat. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'une thèse, la première, je crois, sur l'écrivain qui nous occupe cette semaine. Elle a été publiée aux éditions Corti en 1983. C'était un éditeur où vous avez également fait paraître en 2004, dans une fidélité qu'on pourrait qualifier de toute gracquienne, un essai intitulé « L'enchanteur réticent ». C'est un titre un petit peu déstabilisant, parce que on se demande ce que c'est que cet enchanteur réticent, quel genre d'homme pourrait avoir en lui le pouvoir d'enchanter, mais serait réticent à exercer ce pouvoir. Alors, l'enchanteur réticent, évidemment, c'est une transformation de l'expression du titre d'Apollinaire, l'enchanteur pourrissant. Mm-hmm. Et l'idée que Gracq prenne la suite de la tradition des enchanteurs littéraires est une idée assez évidente. Lui-même utilisait ce terme. Il a écrit un très bel essai sur Chateaubriand et il se situe dans cette lignée d'écrivains à style, d'écrivains dont l'écriture a un grand pouvoir de suggestion. Et en même temps, donc, enchanteur allait de soi en un sens. Mais en même temps, ce qui est très frappant chez Julien Gracq, c'est cette distance qu'il conserve, cette réserve dans laquelle il se tient. Une expression qu'il utilise beaucoup, c'est l'expression du quant à soi. Mm-hmm. Et donc, il y avait en même temps que cet engagement dans l'écriture, parce que la séduction, c'est un engagement dans l'écriture, il y avait en même temps une sorte de retrait de sa personne comme auteur. Et c'était l'association et cette espèce de tension entre les deux que je trouvais particulièrement intéressante et significative dans son cas. Mais est-ce que être réticent, ce n'est pas être un peu réticent à vivre quand on vit comme lui dans le retrait? Est-ce qu'il n'y a pas une note un petit peu négative aussi dans ce terme que vous employez? Alors, difficile de répondre clairement. Oui, bien sûr, il y a... Grant ne peut pas dire que Gracq soit un écrivain de l'assentiment à la vie dans sa dimension la plus extérieure, la plus extériorisée. C'est un homme qui a une vie tout à fait ordinaire. Mmh. C'est une vie de petit bourgeois de province, de propriétaire terrien, de petit bourgeois de province, d'enseignant. Quelqu'un qui a d'ailleurs fait son métier avec beaucoup de d'efficacité et de conscience toute sa vie, mais qui ne tenait pas particulièrement à se singulariser, à se mettre en avant contre malgré lui. Donc il était opposé à toute une idée et toute une posture romantique de l'écrivain, si vous voulez, qui arbore son style, hein, qui arbore son style comme une sorte de bannière. Lui écrivait, mais en même temps, hein, il nous laissait avec ses livres. Ce sont ses livres qui sont enchanteurs. Lui ne l'est pas. Est-ce qu'il n'y a pas un refus de la vie quand on met toute sa vie dans ses livres ? Alors ça, c'est une question fondamentale. Peut-être qu'il y a un refus de la vie. Peut-être qu'il y a un refus de la vie. Je dirais plutôt qu'il y a une sorte d'arbitrage entre ce que la littérature permet et exige et la manière de vivre qui est compatible avec cette carrière littéraire, cet engagement littéraire. Alors, il faut faire attention au fait que la très grande discrétion de Grac sur sa biographie a tendance à aplatir un peu sa vie privée. Il ne reste plus de sa vie privée que quelques épisodes publics, hein, comme le refus du prix Goncourt. Mais en réalité, il a eu des histoires. Il a eu une vie amoureuse, quand même, nous le savons. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais disons, ce n'est pas un célibataire pur. Mmh. Hein, ce n'est pas un célibataire pur. Ce n'est pas un pur esprit. Ce qui est très frappant, en revanche, c'est, je dirais, son insertion locale, son ancrage, il a vécu entre Paris et la province. À Paris, il avait son petit appartement, une sorte de pigeonnier à côté du ministère de l'Éducation nationale, rue de Grenelle. Et puis, il allait faire ses cours au lycée, principalement au lycée Claude Bernard. C'est là qu'il a enseigné le plus longtemps. Et puis, pendant les vacances, il revenait dans la maison de famille. Mais la maison de famille, c'est vraiment la maison de famille. C'est-à-dire que ça a été la maison de la mère. Et puis, après la mort de la mère, c'est la sœur de Julien Gras qui tenait cette maison. Cette maison était vraiment habité et par quelqu'un qui en était la maîtresse et qui était aussi un interlocuteur constant de Julien Gracq, vous voyez. Et donc, cet ancrage familial, il dit lui-même qu'il est casanier. Mmh. Hein, il est casanier et peut-être que c'était pour lui, je ne dis pas un prix à payer, mais c'était comme ça que les choses pouvaient fonctionner. Voilà. En tout cas, il est dans l'entre-deux, puisqu'il est entre le réel et l'imaginaire. Ouais. On vient de le comprendre grâce à vous. Il est dans l'entre-deux et aussi dans sa littérature. Et c'est même un des motifs de son œuvre que le navire en partance, par exemple, ou encore, vous citez ces demeures vaisseaux qui sont comme palais abandonné dans le rivage des Sirtes, on ne sait pas très bien où il se situe. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu votre idée de Julien Gracq comme un écrivain de l'entre-deux, Michel Murat ? Alors, un écrivain de l'entre-deux, oui, en un sens, je dirais peut-être c'est un écrivain qui s'est représenté lui-même comme étant en partance. Hein. Vous voyez, en partance, le palais Aldobrandi que vous évoquez dans le rivage des Sirtes, il est dans une espèce de Venise totalement décrépite, puis il est au bout d'une sorte de presqu'île, on a vraiment l'impression, il est entouré d'eau toutes parts, on a l'impression qu'il va se mettre à dériver, à partir sur les flots, hein. Et lui-même avait était très impressionné par le spectacle du paquebot Normandie lorsqu'il a été mis à l'eau au moment où il voyait donc ce processus par lequel, au moment quand on enlève les vérins, on voit le suif commence à chauffer, à fondre, et puis on voit la coque qui s'ébranle de façon millimétrique. Et ça, il y a quelque chose là-dedans qui le fascinait. Écrire, c'est le moyen de sortir de soi, de se déporter, d'aller vers un ailleurs, hein, et vers un ailleurs qui est à la fois temporel, hein, mais aussi géographique, hein, et de s'inscrire dans une sorte de mouvement continu. Mmh. Hein, une des images que Gracq aime beaucoup, qui sont pour lui je dirais un mode vraiment euphorique de contact avec le monde, c'est l'image du petit navire, de la petite barre qui glisse sur l'eau, hein, pas du tout sur une mer tempétueuse, mais sur une sorte de fleuve tranquille, mais qui est attiré quand même par la pesanteur et par la force du courant, donc qui va de l'avant, on ne sait pas très bien vers où elle va, peut-être qu'au loin il y a une catastrophe ou une cataracte qui se dessine, mais le pur bonheur est celui d'être pris dans ce mouvement continu. Et au fond, ce mouvement continu, c'est ce que produit l'écriture. L'écriture, chez Gracq, elle est cet instrument de navigation, si vous voulez. Et l'entre-deux, c'est aussi une manière de raconter les histoires entre rêve et réalité aussi. Et le rivage des Sirtes, ce sont des lieux, Orsena, Maréma, qui n'existent pas, mais qui pourraient exister et qui sont pris dans cette brume entre réel et imaginaire. Alors, ils sont pris dans une brume entre réel et imaginaire. Je crois que vous avez, il faut maintenir cette idée de l'entre-deux. C'est-à-dire que ce sont vraiment des lieux imaginaires. Ce sont vraiment des, il faut entrer dans le roman quand on lit Le Rivage des Cires pour aimer ce livre. Il faut entrer dans le roman. Il faut prendre ces lieux comme des lieux imaginaires. Donc on va construire, qu'on va enrichir de sa propre perception imaginative, hein, et qu'on va habiter, qu'on va se mettre à habiter, hein, comme des lieux, comme s'ils étaient des lieux réels. Mais en même temps, c'est très, très actuel, excusez-moi. Mais enfin, vous savez, on disait en même temps, avant aussi, dans les archives, on retrouve beaucoup de gens qui disent en même temps, ça on y fait davantage attention maintenant. Et en même temps, il y a aussi cette évasion dans l'imaginaire est aussi un détour nécessaire pour parler de la réalité. Gracq avait la conscience intuitive, en fait, la conscience intuitive qu'il y avait des choses à dire sur le temps présent, mais que ces choses étaient... Il était très difficile ou presque impossible, en tout cas à lui, il lui était impossible, de les aborder directement. Donc il a pris des détours. Ces détours ont d'abord été des détours très lointains, en un sens, et puis après ils se sont rapprochés. Hein. Mais l'œuvre entière romanesque de Gracq est quand même une longue interrogation sur l'histoire récente. Hein. Et donc on s'en va très loin, mais en même temps on s'en va pour dans un mouvement d'interrogation sur ce dont on a été l'acteur et le témoin. On reviendra peut-être sur cette dernière idée, Michel Murat, mais je voudrais qu'on entende d'abord un extrait du Rivage des Cirtes. C'est le Tengri, là, criai-je presque à Fabrizio avec une émotion si brusque que j'enfonçai mes doigts dans son épaule. Il jeta un coup d'œil fébrile sur la carte. Je n'aime pas ce volcan qui se met en frais pour notre visite. « Tu sais où nous sommes ?» ajouta-t-il d'une voix apeurée en me tendant la carte. Le doigt qui se posa dessus était bien au-delà de la ligne rouge, de la frontière avec notre ennemi juré. Et derrière cette sinistre avant-garde, les côtes menaçantes du Farghestan accouraient à nous. Il y avait dans la voix de Fabrizio le même malaise que je sentais vibrer en moi. Oui, malgré ce qu'elle pouvait avoir de naturel et de banalement explicable, il était désorientant de voir, sur le volcan si longtemps éteint, monter cette fumée inattendue. Son panache inquiétant semblait assombrir plus que la nuit le ciel d'orage, maléficier cette mer inconnue. Plus qu'à quelque éruption nouvelle après tant d'autres, il faisait songer aux pluies de sang, à la sueur des statues, à un signal noir à la veille d'une peste ou d'un déluge. « Tu voudrais retourner maintenant, Fabrizio ?» dis-je en fixant l'avant du navire et en posant doucement la main sur son bras. « Je ne sais plus, » fit-il avec un rire de gorge où passait un excès d'agitation nerveuse. « Il faut tout de même penser aux conséquences. »« Tu es le diable, » ajouta-t-il en détournant les yeux, et sans relever la tête, je savais qu'il souriait. La compagnie des auteurs sur France Culture et Alexis Génie lisant à l'instant un extrait du Rivage des Cirtes dans l'émission « Ça peut pas faire de mal » sur France Inter. Alors Michel Murat, on est là encore dans l'entre-deux avec cet extrait puisque on est en mer entre deux États qui sont en guerre et on hésite à franchir la frontière maritime qui les sépare de l'ennemi héréditaire, c'est-à-dire les habitants du Farghestan. Donc on voit bien que l'inspiration première, ce sont les lieux avant d'être la narration pour Julien Gracq. Disons, ce sont les lieux, mais en même temps, je pense que les lieux vraiment vivants, vraiment actifs dans les récits de Gracq, ce sont des lieux qui sont envisagé en tant que théâtre de l'événement, un théâtre d'un événement possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas chez Gracq d'attirance pour le pays. Enfin, il y en a dans d'autres textes, mais dans les romans, le paysage est toujours un paysage signifiant, il est toujours marqué, orienté, hein, par une trame narrative. Hein. C'est-à-dire que c'est le lieu d'événements possibles ou d'événements passés ou d'événements ou des lieux qui marquent une préfiguration. Bon, c'est peut-être différent dans les fragments, alors. Alors, dans les fragments, il y a une dimension davantage descriptive, si vous voulez, hein, de, de, de perception, de classification aussi, de typologie des paysages, hein, qui n'a pas la même, qui n'a pas la même portée narrative, hein, c'est-à-dire que les paysages ne sont pas envisagés de cette manière. Mais malgré tout, par exemple, lorsque Gracq va à Rome, une ville qu'il a détestée, bon, lorsqu'il va à Rome, ce qui l'intéresse, en fait, c'est le site de la ville, hein, et c'est-à-dire précisément le fait, l'articulation entre l'histoire de Rome, la structure des sept collines, entre l'histoire de Rome et le paysage urbain. Donc c'est bien toujours le lien entre le lieu, l'histoire et la géographie, si vous voulez, hein, qui est fondamental. Si vous prenez Saint-Florent-le-Vieil, donc cette bourgade sur la Loire avec la maison de Gracq qui donne sur l'eau vraiment, puis il a son petit bateau qui est là juste amarré. Hein. Bon, et Saint-Florent-le-Vieil, il le décrit, mais je pense que Jean-Louis Tissier en parlera, il le décrit comme c'est le débouché de la Vendée vers la Loire. En fait, c'est le lieu du passage de la Loire, hein, en 1700, pendant la grande révolte chouanne. Et Michelet dit c'est le débouché de l'aveugle Vendée vers la capitale, en fait. Hein. Donc, il y a bien une sorte de dimension destinale des paysages qui intéresse Gracq. C'est là où il est bien à la fois professeur d'histoire et de géographie. Bah, bien sûr. Ouais. Oui, et vous, vous voudriez même ajouter qu'il est un peu sociologue. Et pour quelle raison ? Alors, un peu sociologue, oui, enfin, je me méfie, la sociologie envahit tout un peu à l'heure actuelle, surtout dans les études littéraires, et donc il faut peut-être y aller avec des chaussures légères. Il a effectivement une attention à la, je dirais, peut-être ce qu'il considérait peut-être plutôt comme de la géographie humaine, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il s'intéresse aux modes d'habitat, hein, donc aux usages socio-économiques, aux évolutions socio-économiques. C'est peu visible dans les romans, encore que dans Le Balcon en forêt, il y a une description de la vie militaire qui est extrêmement précise, hein, qui est factuelle, extrêmement précise, très très juste. Hein. Dans le livre sur Nantes, La forme d'une ville, il y a une analyse de la sociologie de la petite bourgeoise qui est absolument formidable. Il y a un tableau de cette bourgeoisie qui tient son rang, qui n'a pas de moyens, mais qui tient son rang. Il y a une analyse extrêmement pertinente de ce point de vue-là. Et puis, il y a tout un ensemble de textes sur Saint-Florent-le-Vieil où il décrit la manière dont le paysage a été réorganisé par le remembrement pendant sa vie. Il évoque ce qu'était ce pays avant, y compris du point de vue de l'occupation des habitants, des activités socio-économiques. Hein. Et c'est fait sans aucun pathos, hein, mais c'est fait avec beaucoup de précision. C'est tout de même l'historien et le géographe qui prime et l'histoire qui intéresse Julien Gracq, c'est évidemment les grandes lames de fond. Oui. On pourrait prendre pour emblème, dites-vous, cette phrase de Chateaubriand, « Tout a changé en Bretagne, hormis les vagues qui changent toujours ». Ça, c'est une phrase qui pourrait être une phrase gracquienne ou prononcée par Gracq. Oui, c'est-à-dire que Gracq la cite elle-même, hein, la cite lui-même. Et effectivement, Gracq est très attentif au mouvement de l'histoire, hein, au mouvement de l'histoire humaine. Et en même temps, bon, c'est un écrivain de la plante humaine, de l'être au monde. Donc il envisage cette histoire humaine située, en fait, dans une nature. Mais ce n'est pas une nature brute, c'est une nature humanisée. Gracq, il vit dans des paysages qui sont modelés par l'homme depuis des millénaires. Et il en a parfaitement conscience. Donc lorsqu'il évoque l'évolution du paysage naturel, et c'est toujours en interaction avec le travail de l'homme. Il ne va pas y avoir de description d'une forêt qui ne serait pas habitée ou d'un désert, ça l'intéresse finalement moins que l'empreinte de la civilisation. C'est la civilisation, au fond, qui l'intéresse. Ce qui va l'intéresser, par exemple, dans la forêt, c'est le rapport entre l'urbanisation ou la construction humaine et la dimension de prolifération sauvage de la forêt. Donc, typiquement, dans le rivage des Sirtes, par exemple, il y a une sorte d'encore local, hein, c'est-à-dire une ville ancienne qui a été complètement reprise par la jungle. Et je pense que Gracq a vu les photographies qui ont été rapportées d'encore, c'est où vous voyez des monuments enserrés par les arbres, c'est extrêmement spectaculaire. Ce qu'il décrit, c'est tout à fait ça. Donc, ce qui l'intéresse, c'est cette tension, en fait, hein, entre la manière humaine d'habiter le monde et la puissance végétale, hein, la puissance sauvage de la nature. Hein. Donc ce sont toujours des lieux qui font rêver dans le sens où ils sont plus que simplement des lieux. C'est vraiment le génie des lieux qui est décrit avec Gracq. On pourrait prendre l'exemple des châteaux qui renvoient à tout un imaginaire qui pourrait être celui du roman noir. Et Julien Gracq, il aime beaucoup justement les châteaux. Il y en a très souvent chez lui. Il y a beaucoup de châteaux et au fond, presque toutes les demeures sont des châteaux. Hein. Des châteaux d'ailleurs à moitié désaffectés ou abandonnés. Alors il faut rappeler que le premier livre de Gracq au château d'Argol en 1937 vient répondre en fait à une sorte d'appel de Breton, d'André Breton, dans un texte qui s'appelle je crois que c'est Le Merveilleux contre le Mystère, un texte de 1936 dans lequel Breton fait l'éloge du roman noir en disant que le roman noir est pathognomonique d'un grand trouble social, et il évoque, donc il pense évidemment au roman noir anglais, mais il inclut là-dedans le Marquis de Sade, l'œuvre de Sade. Pathognomonique Pathognomonique, c'est-à-dire révélateur, si vous voulez. Pathognomonique, le roman, donc il voit dans le roman noir, en fait, une sorte de scénarisation du déclin, de l'effondrement proche de l'aristocratie, les prémices de la révolution. Et il dit, au fond, il y a un roman à faire aujourd'hui, il y a un roman à faire, il faut reprendre ce fil du roman noir. Georges Bataille l'avait fait avec l'histoire de l'œil, mais Gracq le fait exactement en 1937 avec le château d'Argol. C'est un roman qui correspond vraiment à ce que Breton pouvait souhaiter. Et il avait donc, il installe ses personnages dans une sorte de château improbable que le narrateur a acheté. Alors c'est à la fois ultra confortable à l'intérieur, il y a une sorte de, il est équipé design, enfin il l'a meublé en regardant des revues d'architecture contemporaine, c'est absolument évident. Puis en même temps, il y a une partie complètement médiévale, brute. Il y a un serviteur endormi sur les dalles. Il y a des éléments vraiment très ultra romanesques, complètement stéréotypés. Il y a des passages secrets avec des toiles d'araignées à l'intérieur du château. Et le château est en même temps, et c'est aussi très beau pour ça, c'est un château avec une grande terrasse qui surplombe la forêt. Et donc il y a la mer d'un côté, puis il y a la forêt aussi, qui est cet élément continu et sauvage dans lequel il est engagé comme une sorte de navire. Voyez. Intéressons-nous, si vous le voulez bien, à présent au personnage des romans de Gracq avec cette archive d'André-Pierre de Mandiargues. Je vais lire sur votre demande ce passage de lettrine qui s'appelle « Fiche signalétique des personnages de mes romans ». Époque. Quaternaire récent, lieu de naissance, non précisé, date de naissance, inconnue, nationalité, frontalière, parence, éloignée, état civil, célibataire, enfants à charge, néant, profession, sang, activités, en vacances, situation militaire, marginal, moyen d'existence, hypothétique, domicile, n'habite jamais chez eux, résidence secondaire, mer et forêt, voiture, modèle à propulsion secrète, yacht, gondole ou canonnière, sport pratiqué, rêve éveillé, noctambulisme. C'est très beau. L'influence de Breton, là aussi, se révèle immédiatement. Il me semble y voir, avec, je ne dirais pas une description de l'auteur par lui-même, mais une description d'un personnage que Julien Gracq sent présent en lui et auquel il aimerait bien donner naissance dans le monde où nous sommes. Souvent, en voyant Julien Gracq, j'ai l'impression qu'il aimerait non pas être différent de ce qu'il est, mais qu'il aimerait répandre dans le monde où nous sommes des personnages qui seraient un peu ses fils spirituels et qui seraient un peu différents de lui. Des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Julien Gracq avec vous, Michel Murat. On a beaucoup parlé des lieux, on va continuer d'en parler tout au long de la semaine, mais les personnages, ils existent, ils sont là aussi. Ils ressemblent à Julien Gracq, nous dit André-Pierre de Mandiargues. Comment les caractériser? Est-ce que ce sont des héros, par exemple? Alors, il faut Je pense qu'il faut différencier les étapes, c'est-à-dire que il n'en va pas de même dans tous les romans. Dans les premiers romans, dans Au château d'Argol et Un beau ténébreux, il y a incontestablement des héros de romans, c'est-à-dire des personnages qui sont vraiment des constructions typiquement romanesques. Quand vous voyez Albert, le couple formé par ces deux frères ennemis, en quelque sorte un couple un peu gémellaire, hein. Albert et Herminien, alors il y a un blond et un brun, mais ils sont tous aussi beaux les uns que les autres, ils sont d'une intelligence sublime, mais ils ont une capacité d'ébranlement du monde, une sorte d'aura révolutionnaire. Oui. Bon, On est dans tout sauf dans le réalisme, on est vraiment dans une tradition romanesque. Rappelez-vous ce que Breton disait sur le moine de Louis, hein. Il parlait du personnage de Mathilde en disant « ce n'est pas un personnage, c'est une tentation continue hein. ». Et on est vraiment dans cette tradition-là, si vous voulez. Alors, dans Le Beau Ténébreux, le personnage qui débarque, Alan, c'est un dandy suicidaire. Il arrive dans un hôtel de bord de mer, un grand hôtel de bord de mer, avec une sorte d'aura autour de lui, une femme mystérieuse, et puis la femme disparaît, et il reste là, et progressivement, tout le monde, tous ces personnages qui sont là et qui l'a fasciné, commencent à comprendre qu'en fait, qu'il a décidé de mettre fin à ses jours au terme de la saison, et donc il les entraîne dans cette attente et ce sursis, et le personnage d'Alan est un personnage, là aussi, hyper romanesque. Mais dans Le Beau Ténébreux, la narration est tenue par, je cite, un jeune universitaire plein d'avenir. C'est une espèce de clone de Grac. Un jeune universitaire plein d'avenir. Sauf que Grac avait renoncé à la carrière universitaire pour être prof de lycée. Mais vraiment, il est en train d'écrire une étude sur les illuminations de Rimbaud. Hein. C'est un peu comme avec Sherlock et Watson, hein. Vous avez le personnage mythique, hein, Alan, et puis vous avez le narrateur qui est là en train d'observer, d'essayer d'interférer, qui mène sa barque de son côté, parce que lui aussi a des intrigues sentimentales, etc. Et donc on voit bien les deux composantes. Au début, on parlait de l'enchanteur réticent. Ben, Alan, c'est l'enchanteur, et puis Gérard, c'est le personnage réticent, sceptique, qui examine, qui réfléchit et qui écrit aussi. Hein. Mais il est lui-même dans la fascination du héros. Alors, vous parlez de l'aura de ces personnages, l'aura d'Un beau ténébreux, et vous expliquez qu'au fond, la sexualité qui paraît totalement éloignée de l'univers gracquien est en réalité assez au centre. Ces premiers romans là que vous évoquez, c'est très loin du réalisme, je le répète, une idée très idéalisée du corps parfait, du corps androgyne, de quelque chose en fait de l'ordre de l'angélique et qui en même temps est assez sexualisé. Ouais. Si on prend le château d'Argol, donc c'est une communauté formée de deux ces espèces de frères jumeaux hein, et d'une femme. Bon, alors quelle est l'intrigue? On peut la résumer en trois mots. C'est pas très politiquement correct, mais en gros, ils la violent l'un après l'autre, hein, et puis elle se suicide. Et à la fin, l'un des deux tue l'autre. On sait pas très bien d'ailleurs lequel tue l'autre parce que le dénouement, il y a quelque chose de légèrement ambigu dans le dénouement. On peut penser que c'est Albert qui tue Herminien, c'est le plus vraisemblable, mais ça n'est pas très net. Et donc, dans ce roman. Là, il y a une tension érotique extrêmement forte parce qu'elle joue, d'une part, elle joue entre les personnages masculins. Il y a une scène absolument magnifique où ils sont dans une chapelle perdue au milieu de la forêt. Dans cette chapelle, elle est totalement délabrée, mais il y a un orgue en parfait état de marche. Et donc, Herminien monte à l'orgue et il improvise. Bon, et ça se termine sur l'idée du chant de la fraternité virile. Ce chant de la fraternité virile, c'est une dimension, je dirais, d'attirance entre hommes, entre personnages masculins, qui est une constante dans l'œuvre de Grac. Alors c'est pas ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas de l'homosexualité, parce que la sexualité est tout à fait clairement hétérosexuelle, hein. Mais cette dimension-là est très forte, elle est très prégnante dans les romans. Et puis, donc, il y a dans le château d'Argol une scène de viol, pas exactement de viol, mais on voit le corps violé, une longue description du corps violé. Donc il y a quand même une sexualité violente hein, qui s'introduit là-dedans et dans le beau ténébreux, c'est plus, je dirais, la violence est moindre, elle est plus diffuse. Elle est un peu pasolinienne aussi. Alors, il y a des personnages qui ont un côté un peu... Alors, Alan est un peu pasolinien, c'est-à-dire qu'il séduit également les hommes et les femmes. C'est théorème. On voit très bien, c'est théorème. Hein. On pourrait très bien projeter... théorème sur la situation d'Alan. D'ailleurs, le film de Pasolini a une sorte d'épure de ce point de vue-là aussi, ça marcherait très bien. Ça serait même... Bon, il y a un très mauvais film, comme je ne sais pas si vous le savez, qui a été tourné par Jean-Claude Averty sur Le Beau Ténébreux, une très très mauvaise adaptation, calamiteuse, mais penser que l'adaptation du Beau Ténébreux, c'est Théorème, c'est une très bonne idée. Bon, merci. Michel Murat, vous restez avec nous pour continuer de nous éclairer en seconde partie sur la littérature et les grands thèmes de Julien Gracq, mais pour l'heure, c'est le moment d'En Compagnie des Revues. La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et en compagnie aujourd'hui de la revue Critique et surtout de son directeur, Philippe Roger. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes à la tête d'une revue qui propose à ses lecteurs d'évoquer les végétaux. C'est un petit air de printemps que vous proposez à vos lecteurs. Oui, mais c'est un mois idéal pour mêler nature et culture, puisque vous songez à ce rituel immuable à Paris, porte de Versailles, avec le salon du livre qui succède directement au salon de l'agriculture. Enfin, pour mille raisons qui sont assez compréhensibles, la condition animale fait davantage débat aujourd'hui que la condition végétale, y compris dans Critique, puisque nous avons consacré un spécial il y a quelques années intitulé « Libérer les animaux ». Et quand Thierry Hoquet est un philosophe qui s'est fait connaître par ses travaux sur Darwin, sur le darwinisme, quand il est venu me proposer d'aller voir du côté des végétaux, j'ai d'abord été un petit peu intrigué et très vite conquis. Hein. Il se passe vraiment des choses du côté des plantes. Oui, et alors il y aurait selon vous une révolution végétale à l'œuvre en ce moment ? Alors c'est le titre qu'il a choisi de donner à cet ensemble, et il faut prendre le mot révolution avec souplesse, disons, au risque de vous décevoir, cher Mathieu. Nous ne prophétisons pas une insurrection générale du règne végétal pour les prochaines semaines, mais encore qu'il y a une scène de ce genre dans un très beau livre, livre que je trouve magnifique personnellement, de Jean Giono, Les vraies richesses. Giono imagine une sorte d'encerclement des villes par les forêts. C'est un peu les monstres plantes. Oui, c'est les monstres plantes. Mais ça, évidemment, c'est une allégorie très politique chez Giono. C'est en 1936. C'est assez fascinant de penser que c'est exactement le même moment où, en Chine, comme on dit dans les feuilletons, et pendant ce temps-là, en Chine, Mao Tse-tung théorisait l'encerclement des villes par les campagnes. Enfin, quoi qu'il en soit, ces forêts de Giono de 1936, elles jouaient aux petits soldats, mais elles restaient quand même très allégoriques et terriblement anthropomorphiques aussi. Alors, dans Critique, ce sont de vraies plantes que nous allons rencontrer, c'est pas seulement des symboles allégoriques. Voilà, alors c'est un peu la question que pose un de nos auteurs, Stéphane Habert, à propos du livre de Jean-Baptiste Vidalou, Être forêt, être comme le verbe être, pas comme l'arbre, habiter les territoires en lutte. La forêt effrayante ou luxuriante, refuge, cachette, base d'opération, bon, elle est liée à toute une mémoire des irrégularités et aussi des insurrections. Et symbole et réalité, ici, je crois, s'interpénètrent, hein, comme il le montre. Est-ce que la forêt reste encore aujourd'hui un lieu bien réel de résistance ? Sans doute, dans plusieurs pays. Est-ce qu'on peut dire, comme le fait l'auteur du livre, qu'il y a de la forêt partout où ça résiste ? Fin de citation, c'est également une idée intéressante. Mais ce n'est pas seulement à des révolutions politiques, j'imagine, que renvoie votre titre. Non, en effet, et autant et plus à des révolutions de pensée, disons. Il y a un lien fort et ancien entre la philosophie et le végétal. Pourquoi est-ce que l'image de Rousseau en train d'herboriser a été aussi populaire ? Mais sans doute parce que elle est apparue comme une figure possible de la philosophie même. Et vous vous souvenez sans doute du beau livre de Jean-Marc Drouin, L'herbier des philosophes, paru il y a tout juste 10 ans. Il a beaucoup contribué, ce livre, à redorer ce qu'on pourrait appeler le blason philosophique des végétaux. Et pourtant, comme le dit Jean-Marc Drouin lui-même, que nous avons interviewé pour ce numéro, le règne végétal, je le cite, n'a pas encore dans notre culture la place qu'il mériterait. Donc vous voulez dire qu'il nous faudrait davantage penser avec les plantes ? Oui, penser avec les plantes, et grâce à elles, on peut penser des objets très variés, bien au-delà de la botanique. Alors, deux exemples, notre propre histoire, l'histoire des conquêtes coloniales, des échanges mondialisés, dans lesquels les plantes ont souvent été centrales, comme le montre Samir Boumediene dans La colonisation du savoir. Le héros de son livre, c'est le quinquina. Et ce sont les plantes médicinales du Nouveau Monde que s'approprient les Européens et qui deviennent ainsi, pour l'historien, comme pour le philosophe, révélatrices des rapports coloniaux. Et puis, dans un tout autre registre, on peut penser avec les plantes ou repenser l'idée d'individu, l'idée même d'individu. Voyez les pissenlits que nous montre Karine Prévost dans ce numéro. Vous en voyez tout un pré, cher Mathieu, mais ils sont tous génétiquement, ils sont identiques. Hein. C'est donc ce pré qui est l'individu. Même chose avec les peupliers faux-trembles. Je suis sûr que vous êtes très familier des peupliers faux-trembles. Oui. Vous en voyez une futaie, mais génétiquement parlant, il n'y en a qu'un. Et vous parlez d'individu, comme s'écriait déjà Diderot. Et nous, humains, que sommes-nous ? Et si nous étions, nous aussi, des lichens, c'est-à-dire composés d'espèces différentes ? Vous voyez, les végétaux sont vertigineux. Et bien voilà qui donne envie. Merci Philippe Roger, la revue critique est donc disponible dès à présent en librairie. À très bientôt. C'était la compagnie des auteurs sur France Culture, une émission consacrée aujourd'hui et jusqu'à jeudi à l'écrivain Julien Gracq. On repart dans cette seconde partie avec un extrait de son livre « En lisant, en écrivant » lu par Vanda Bénès. Ce que je souhaite d'un critique littéraire, et il ne me le donne qu'assez rarement, c'est qu'il me dise, à propos d'un livre, mieux que je ne pourrais le faire moi-même, d'où vient que la lecture m'en dispense un plaisir qui ne se prête à aucune substitution. Vous ne me parlez que de ce qui ne lui est pas exclusif, et ce qu'il a d'exclusif est tout ce qui compte pour moi. Un livre qui m'a séduit est comme une femme qui me fait tomber sous le charme. Au diable, ses ancêtres, son lieu de naissance, son milieu, ses relations, son éducation, ses amis d'enfance. Ce que j'attends seulement de votre entretien critique, c'est l'inflexion de voix juste qui me fera sentir que vous êtes amoureux, et amoureux de la même manière que moi. Je n'ai besoin que de la confirmation et de l'orgueil que procure à l'amoureux l'amour parallèle et lucide d'un tiers bien disant. Et quant à l'apport du livre à la littérature, à l'enrichissement qu'il est censé m'apporter, sachez que j'épouse même sans dot. Quelle bouffonnerie au fond et quelle imposture que le métier de critique, un expert en objet aimé. Car après tout, si la littérature n'est pas pour le lecteur un répertoire de femmes fatales et de créatures de perdition, elle ne vaut pas qu'on s'en occupe. Peut-on parler, Michel Murat, d'une œuvre de critique littéraire quand il s'agit de Julien Gracq, quelqu'un qui n'aimait peut-être pas tellement en réalité la critique littéraire et qui parlait de bouffonnerie pour qualifier justement cette activité. Qu'est-ce que c'est qu'un expert en objet aimé, si ce n'est un bouffon, semble demander Julien Gracq. Oui, je crois que le mot auquel Gracq refuse d'adhérer, c'est le mot expert. Gracq considérait qu'il avait un lien avec la littérature, mais ce lien n'avait rien à voir avec une expertise. Et son rapport à la critique littéraire est largement déterminé par ce qui se pratiquait et s'écrivait dans les années 1960-70-80, entre 60 et 80, sous le nom de critique littéraire. Hein. C'est la grande époque, c'est l'époque des débuts de Gérard Genette, c'est l'époque de la revue poétique, c'est l'époque du structuralisme littéraire. Et là, dans tout ça, il y a une prétention à l'expertise, au savoir, à la mise en règle. Et tout ça est profondément antipathique à Gracq. C'est-à-dire que non seulement ça lui est extérieur, mais il n'en voit véritablement pas l'intérêt. Et il pense que ces petits jeunes qui se drapent dans leur scientificité sont des escrocs intellectuels, en réalité. Mmh. De manière générale, il s'agit de ne pas être trop théorique quand on parle de littérature et quand on en fait aussi. Il s'agit de lire, d'aimer et de transmettre ce qu'on aime. Oui, alors Gracq va répétant le mot de Goethe disant « la théorie est grise ». C'est un mot qu'il aime beaucoup. Hein. Et donc, y a dans cette période-là un certain nombre de prises de position, je dirais, contre les chemins actuels de la critique. Vous savez, c'est l'époque de ces grands colloques de Cerisy qui ont balisé les chemins actuels de la critique. Il était très hostile à ça. Lui, il s'inscrivait dans une tradition beaucoup plus ancienne qui est celle d'écrivain-lecteur. Hein, d'écrivain-lecteur. Peut-être presque plus lecteur en termes de temps que écrivain. Sa vie, une grande partie de sa vie, bon, Je dirais surtout à partir des années 60. Hein, à partir des années 60, l'essentiel de son œuvre créatrice était quand même accompli. Hein, et donc, il a passé de plus en plus de temps. Il a été à la retraite aussi. Au bout d'un, il a pris sa retraite à 60 ans. Donc, il s'est retrouvé avec une disponibilité de temps immense. Donc, il a passé sa vie à lire et à écrire. Hein, et quand il publie ce livre qui s'intitule « En lisant, en écrivant », les deux... sont comme en miroir l'un de l'autre, en fait. Il y a une continuité complète. Donc, il lit, et ces fragments sont dans une mesure importante, pas exclusive, mais dans une mesure importante, ce sont des notes de lecture. Voilà, mm-hmm. Donc, il a un livre, il sort d'un livre qui l'a frappé, et donc, il prolonge, en fait. L'écriture est une manière de prolonger l'impact, l'émotion, l'intérêt, la curiosité, la perplexité, dans certains cas, suscitée par la lecture. Il va le formuler, hein, et à son propre usage, d'abord, hein, à son propre usage. Gracq ne pensait pas du tout, ne s'attendait pas vraiment, je pense, à ce que, en lisant, en écrivant, devienne une sorte de bréviaire des professeurs de Cagnes. Le livre est retourné dans l'école d'une façon qu'il a un peu surpris et par rapport à laquelle il a toujours été un peu réticent. Ouais. En même temps, la langue de Gracq, c'est une langue que vous osez qualifier non pas de scolaire mais de relevant de l'institution quand même de l'école et de l'école secondaire. Ouais. Cette langue que vous jugez classique, est-ce une critique? J'imagine que non, dans votre bouche. Non, ce n'est pas une critique, je pense que c'est une caractérisation. Mais en quoi est-ce qu'elle est scolaire, cette écriture? Alors, elle n'est pas scolaire. Je n'ai jamais dit, je crois, n'avoir jamais dit qu'elle était scolaire. Il y a un chapitre de mon livre qui s'appelle « Un écrivain secondaire ». Donc, c'est un peu ironique, évidemment, hein, parce que je pense que Gracq est un écrivain. Ce n'est pas un écrivain de second ordre. C'est en tout cas pas ça que ça veut dire. Mais il le dit lui-même. Gracq est un écrivain qui a été formé par l'école de la Troisième République. Il vient d'une famille dans laquelle il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre à la maison. Le seul livre, c'est le livre de raison que tient sa mère. Et son père est un homme qui est tout dans la sociabilité, le rapport au paysage, le rapport aux voisins, aux êtres, au paysage et tout ça. Il n'est pas du tout un intellectuel. Le père n'est absolument pas un intellectuel. Donc, Gracq, il se forme par la lecture. Il apprend à lire à 4 ans sans savoir comment il a appris à lire. C'est venu comme ça. Puis après, il a été pris dans un processus scolaire, donc il a été assez tôt envoyé en pension au lycée Clémenceau à Nantes. Puis il est passé du lycée Clémenceau à la Cagne de Henri IV, de la Cagne de Henri IV à l'école normale supérieure. Bon. Et c'est là, un peu plus tard, enfin assez tard finalement, vers 28 ans, qu'il a commencé à écrire. Hein, mais il lisait évidemment depuis toujours. Bon. Et donc, sa culture et sa langue, et c'est ce qui est important, c'est sa culture littéraire. Sa culture littéraire, elle s'est formée dans le milieu scolaire. Alors, il faut faire attention que dans le milieu scolaire, et c'était le cas en particulier au lycée, dans l'entre-deux-guerres, dans le milieu scolaire, la culture littéraire ne passe pas, elle ne passe que très partiellement par les programmes. Alors, il y a ce qu'on fait en classe, mais il y a tout ce qu'on fait à côté de la classe. Il y a des livres qui s'échangent sous les bancs. Bon, il y a un très beau texte sur le Rouge et le Noir. Il persuade ses parents de lui acheter le Rouge et le Noir, puis après, il le planque hein, sous son bureau d'écolier. Il le rouvre dès qu'il a le temps. Bon, et donc, il s'évade, hein, d'une certaine manière, dans la littérature. Et il dit aussi, à propos de Stendhal, c'est incompréhensible pour des gens qui n'ont pas discuté entre eux dans des cours de récréation de lycée. Hein, il y a un rapport à la littérature qui n'est accessible que sous cette forme-là. Et de ce point de vue-là, Gracq, qui a une longue vie, il va se trouver à un moment donné décalé par rapport à son époque. Et le moment où il se trouve décalé, c'est le moment où ce fonds de culture scolaire va commencer à se déliter, si vous voulez. Donc il lit Stendhal au lycée. Plus tard, il lira Proust. Et il en parlera d'ailleurs dans ses fragments. Il a sur Proust une vision qui pourrait surprendre, puisqu'il y a un chapitre qu'il a intitulé « Proust considéré comme terminus ». Oui. Alors ça, c'est quand même un peu de la critique littéraire, hein, d'une certaine façon. Non, c'est de la critique littéraire. C'est la relation de Gracq avec Proust est compliquée. Gracq avait beaucoup de... En fait, en tant que lecteur ordinaire, lorsqu'il ne s'agit pas d'une méditation indirecte sur son œuvre propre. Gracq est plutôt bon lecteur de Proust. Il trouve ça, enfin, il aime de façon inégale, mais il lui arrive d'en parler, comme ça, à bâton rompu. Hein, et ce qu'il dit de Proust, c'est presque toujours celui d'un lecteur très fin et très, très favorable à Proust. Hein, il en perçoit bien sûr, la qualité. Mais le problème, c'est le roman. Hein, parce que Proust, c'est le terminus du roman. Hein, c'est pas une idée neuve, d'ailleurs. C'est une idée qui avait été émise par Emmanuel Berle dans un article des derniers jours en 1928. Un article sur la fin du roman et Berle dit « Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir après Proust ?» Et donc, Gracq se trouve dans une réflexion que j'ai menée dans un autre contexte. Gracq se trouve un peu dans la même situation que Jacques Rivière. Hein, Jacques Rivière, donc, écrit en 1913, le premier grand critique de la NRF, écrit en 1913 un grand article sur le roman d'aventure, où il essaye de voir ce que le roman a devant lui. Et puis, au lendemain de la guerre, il se retourne, il s'aperçoit que ce que le roman avait devant lui, l'avenir du roman, c'était Proust. Mmh. Et évidemment, pour Gracq, cette histoire-là ne peut pas se répéter. Donc lui arrive forcément après Proust. Et il doit relancer le roman après Proust. Vous savez, à la fin du Rivage des Sirtes, le vieux, dans la conversation entre le héros et puis le vieux Daniello, l'espèce d'instance de chef occulte qui a lancé la ville, en fait, vers son destin catastrophique, qui l'a remise dans le flot de l'histoire. Le vieux Daniello dit, oui, quelqu'un qui voit une barque pourrir sur la grève et qui la rejette dans le flot, hein, on peut dire qu'il n'a pas de souci de sa conservation, mais il pense à sa destination. Et c'est ça, quand Gracq entreprend le roman, surtout relance le roman avec le Rivage des Sirtes en 1951, c'est comme s'il remettait à flot le vieil édifice du roman, la vieille barque vermoulue. Donc il arrive après Proust, mais il est un peu seul dans son genre. Il ne fait pas école, il ne fait pas partie d'aucune école, ou alors peut-être temporairement de l'école surréaliste. Alors, il ne fait pas partie d'aucune école, et il ne fait partie d'aucune école, et il est même, à certains égards, c'est un écrivain qui est décalé chronologiquement, hein, qui est décalé temporellement, et beaucoup d'autres l'ont été. Stendhal était un écrivain du XVIIIe siècle, égaré dans le XIXe, hein. Et lui-même, alors c'est un surréaliste, mais de la seconde génération, puisque en fait c'est un lecteur de Breton. Il est venu au surréalisme par la lecture des essais de Breton, et il a adhéré au surréalisme, mais en tant qu'écrivain et de l'intérieur, il n'a jamais fait partie du groupe. Hein, et ses livres ne s'inscrivent pas directement dans une esthétique du surréalisme. Donc, par rapport à ce qui était son appartenance possible, il s'est situé à l'écart. Là encore, il est dans l'entre-deux, comme on le disait. Là encore, au début il est de dans émission. L'entre-deux. Il est dans l'entre-deux, tout à fait. Oui. Et par rapport à Sartre, alors, parce que lui se définissait aussi comme un anti-existentialiste, on ne peut pas faire sans se positionner par rapport à Sartre à cette époque-là. Alors Sartre, c'est presque une histoire de cours de récréation, justement. Ils ont été à l'école normale, enfin, ils se sont succédés à l'école normale. Ils n'ont pas été, Sartre est un peu plus âgé, et ils n'ont pas été en même temps à l'école normale. Et à bien des égards... les fonds de pensée. J'ai dit quelque part que Gracq était un phénoménologue, enfin, qu'il y avait une phénoménologie, mais qui n'était pas philosophique, qui était un peu intuitive, si vous voulez, chez Gracq. C'est évident dans des textes, de très beaux textes, comme La sieste en Flandre hollandaise, ce texte où il s'étend tout au long dans une prairie, il entre dans une espèce d'osmose avec le monde sensible. Bon, c'est l'équivalent. Dans une version euphorique de la racine du marronnier dans la nausée, hein. C'est exactement le même, et même le mot nausée dans le texte sur la sieste en Flandre hollandaise, on entend le mot nausée, hein, comme une petite indication en direction de Sartre. Mais il ne supportait pas que Sartre engage la littérature dans une action politique, et c'est un point sur lequel il était lui-même en désaccord avec Breton et le surréalisme. Il a refusé, en fait, d'inféoder la littérature à un engagement politique. Il considérait que le seul engagement possible, et c'est l'expression qu'il utilise, était un engagement dans la forme. Sur France Culture. C'est intéressant ce que vous dites, Michel Murat, sur la question politique qu'on peut relier aussi avec le rapport de Gracq à l'histoire, la grande histoire. On a tendance à dire qu'il n'y a pas d'histoire chez Gracq. On a tendance à le considérer comme l'écrivain de l'art pour l'art. Or, vous nous expliquez, et c'est l'une des choses les plus intéressantes de cet essai, L'Enchanteur réticent, qu'en fait, il n'y a que de l'histoire dans Le rivage des Sirtes et dans Un balcon en forêt. Mais quel est le type d'histoire dont nous parle Julien Gracq ? Alors, ce qui a marqué Gracq de façon essentielle, comme toute sa génération, parce que c'est quelque chose qu'il a vécu avec toute sa génération, c'est la montée du nazisme et l'impuissance des démocraties occidentales devant le nazisme. Et il a vécu ça comme un retour sauvage de l'irrationalité humaine. C'est un phénomène qu'il a fasciné, contre lequel il a lutté. Il a fait partie d'un comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Il y a un engagement antifasciste explicite chez Gracq. Il a été membre du Parti communiste. Il a donc une action syndicale, etc. Donc il a été lucide sur ce qui était en train de se passer. Il a eu une très juste lucidité, alors que Breton était, en 1938 encore, au moment des accords de Munich, disait « on ne veut ni de votre guerre, ni de votre paix ». Gracq n'a jamais été pacifiste. Il a toujours été antifasciste, anti-nazi, de façon très, très stricte et très cohérente. Et ensuite, il a rendu sa carte du Parti communiste, au moment de la signature du pacte germano-soviétique, immédiatement, sans hésiter. Et je dirais que cette expérience l'a dépolitiqué, c'est-à-dire l'a privé de tout ancrage politique possible. Il n'était pas trotskiste. Breton était trotskiste à ce moment-là. Il n'était pas trotskiste parce qu'il trouvait que le trotskisme n'était pas sérieux par rapport au Parti communiste. Il ne pouvait plus être communiste. Il n'a pas pu... Bon, la question de la résistance pose problème, mais il était fiché par la police en tant qu'ancien communiste. Il se demandait, il ne voulait pas connaître le sort de Nizan, c'est-à-dire de se faire tirer dans le dos par ses anciens copains du Parti communiste. Donc, il est resté, il a été prisonnier, il est revenu ensuite, il est resté prudent de ce point de vue-là. Et il s'est retrouvé sans ancrage politique. Et donc, Le rivage des Sirtes décrit pour vous l'histoire de France en 1940, de manière extrêmement transposée, mais c'est un livre sur la défaite sans bataille. Voilà. Alors, c'est, je dirais, pas forcément... À la fin du livre, il y a des aspects qui sont une évocation indirecte, mais assez claire, de l'histoire de France dans cette espèce de chaos politique, avec le père du narrateur qui voit une nouvelle carrière, des combinaisons ministérielles, et tout ça, c'est un parfum de Troisième République finissante qui est très fort. Mais pour le reste, je dirais que Le rivage des Sirtes, c'est plutôt l'Europe. C'est plutôt l'Europe occidentale. La civilisation européenne, au sens presque de Valéry, vous voyez. Au sens de la civilisation humaniste, des valeurs et tout ça, bon, qui est arrivé à une sorte d'épuisement. Et donc, qui se tourne, par une sorte de pente fatale, qui est confrontée à la question, une question que je résume souvent à une citation de Rimbaud qui est « Peut-on se rajeunir par la destruction ?» L'idée, c'est de se rajeunir par la destruction. Et donc, de se tourner vers le seul point qui suscite encore une forme de désir collectif. Parce que c'est ça, en fait, le Farguestan, dans la population d'Orsena, c'est quelque chose qui, progressivement, va cristalliser un désir collectif. Mais ce désir est évidemment un désir mortifère. Et d'ailleurs, c'est le désir qui est le moteur de... la littérature chez Gracq, c'est-à-dire qu'il ne fait que décrire le désir sans jamais montrer l'événement qui serait la réalisation de ce désir. Alors, il a voulu le faire parce qu'il y a un texte très intéressant dans Les Lettrines où il explique que Le rivage des Sirtes, jusqu'aux deux tiers de la rédaction, marchait au canon, c'est l'expression de Gracq, donc à l'aveugle, vers une bataille navale. Il voulait écrire dans son texte le souvenir qu'il avait de la bataille navale de Jutland en 1917. Et puis, il s'est passé la même chose que pour le héros. Le héros, il arrive en vue du Farguestan, il voit fumer le volcan Tengri. Et puis, de l'autre côté, partent trois coups de canon à blanc, qui sont des coups de semence. Et aussitôt, hop, le navire fait demi-tour. Et en un sens, il s'est passé la même chose pour Gracq. Gracq voulait raconter cette bataille navale, mais en fait, ça n'avait pas véritablement de sens pour lui, ça n'avait pas de place possible dans son roman. Donc il est revenu en arrière, sur un grand chapitre d'explicitation. Merci beaucoup, Michel Murat. Je rappelle qu'en 2012, vous avez dirigé l'ouvrage « Grac dans son siècle » paru aux éditions Classique Garnier. Je signale également « L'enchanteur réticent ». Il y avait encore vraiment beaucoup de choses à dire, donc je renvoie nos auditeurs sur ce livre paru aux éditions Corti. Et puis, vous venez de faire paraître, ou vous allez faire paraître le 15 mars, pour être précis, un essai intitulé « Le romanesque des lettres ». C'est également chez José Corti. Demain, nous évoquerons la place de la géographie et de la peinture dans l'œuvre de Grac, en compagnie de Jean-Louis Tissier et de Bernard Vouilloux. Mais tout de suite, sur France Culture, et comme chaque jour, on retrouve la poésie avec des textes choisis et interprétés par Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Cette semaine, avec les Hardis, nous nous en remettons à 68, droit à la parole, imagination au pouvoir. Et ce n'est qu'un début, témoin non pas d'une pensée, mais d'une poussée de 68 avec Marcel Moreau. Il suffit de reprendre où nous étions. Évidemment, j'exagère. Mes mots ont tendance à s'exagérer, m'exagérer d'eux quand ils désespèrent par trop de ce mélange d'onomatopées et de franglais qui donne le ton à la diffusion de la parole dans l'entendement des foules, sans compter la fabrication en série de poncifs à quoi se résume si souvent le conditionnement des esprits sous la bannière d'une pensée uniformisée davantage acquise à la cause de l'avoir qu'à celle de l'être. Oh, c'est magnifique. Ah oui, c'est l'esprit de l'époque. D'accord pour l'évolution, nous dit-on, mais à condition qu'elle s'opère dans le sens du dépérissement des espèces langagières les plus vitales. Il en va ainsi du mot révolte, vidé de sa substantifique moelle, ou du mot instinct qui n'est plus guère employé que pour louer la raison de n'en avoir pas. Ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas dans ma nature d'être intolérant à tout propos, ni agressif pour le seul plaisir de mettre en évidence le fait que je ne suis pas toujours aussi gentil qu'ils le prétendent, pas plus que je ne suis l'affreux que me soupçonnent d'être ceux qui, par ouï lire, se font de moi une image rébarbative. Toujours par coupe, prélèvement de phrases dans son texte, quand j'écris que j'exagère, et que les mots m'exagèrent de leur intolérance envers ceux qui n'ont de cesse d'en hâter l'identification à une machine, voire à un ordinateur conçu pour nous éviter l'effort ou le vertige d'en descendre les apics signifiants jusqu'à ce point de chute d'où les remontées semblent alors s'accompagner de la grâce ascensionnelle du dire, j'essaie de comprendre pourquoi, lorsque je suis méchant de cette façon et pour cette cause, cela répond à un désir de justice plus qu'à l'expression d'une quelconque animosité à l'égard d'un monde dont j'aurais eu personnellement et dans ma chair à souffrir les bassesses. Rythme, change mon corps en outrance, exagère mes bonds, mes sauts, ma sainte désarticulation, ma transe d'énamouré, la course de mes doigts sur la peau tendue des tambours, l'entrée violente de mes doigts dans les yeux du grand persécuteur, désordonne mes membres, tous mes membres, ne ralentit rien, rien, rien. Corps, corps dans mon corps que ce rythme, tel un flair ancien, coutumier des odeurs fortes, y compris celles que dégagent certains mots au paroxysme de leur désir de provoquer dans l'ondulation d'une écriture qui passait par là un remous d'égale concupiscence. Rythme, arrache-moi la langue, change-la en lumière, en cravache, en knout baveux, plonge-la dans tes mississippiques, ne t'en ressort que battante, fouettante, nuitamment inondante, dans l'alcool, noie-la, dans l'absinthe, sans cascade, celle des fous de malheur, des femmes aux lèvres mortes, rends-moi ma langue, entre mes dents, plante-la, serre, visse, amour de langue, langue énergumène, démente mouillée, écarlate, bannière des poumons, monument, mère de mes chants d'enfants sauvages. Merci Jacques Bonafé. En résonance avec la thématique du printemps des poètes, vous consacrez donc cette semaine au cinquantenaire de mai 68. Vous nous lisiez aujourd'hui un poème de Marcel Moreau. La compagnie des auteurs avec l'appli Audible. Écoutez des livres audio sur votre smartphone. Des coachings ou podcasts, rendez-vous sur audible.fr.